Yo-Yo 89.5. Une mardi sur 2 à 21 heures. Et aussi sur radiorageuse.net. Et bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Dio 89.5 ou en streaming sur radiodio.org. Il est 21h01 et oui, on est encore à l'heure. Et du coup, c'est l'émission Comme un ouragan, l'émission féministe et transpédiguine qui prend l'antenne un mardi sur deux sur Radio Dio. Ce soir, on ne peut commencer cette émission sans avoir une pensée pour notre amie, copine, camarade Rose qui nous a quittés il y a 2 semaines. Encore une camarade trans qui se suicide et ça nous remplit de tristesse et de colère. Grosse pensée pour toi Rose, tu vas nous manquer. Et grosse pensée aussi pour toutes ses proches qui souffrent aujourd'hui. Il est plus qu'urgent d'être fortes ensemble pour que les vivantes restent vivantes. Et un des trucs dans lequel on se sent vivant et vivante en ce moment, et bien c'est la lutte et notamment le mouvement social en cours. Dans de précédentes émissions, on s'était penché sur les grèves, les luttes syndicales, etc. Mais ce soir, on a envie de se prendre ce mouvement sous un autre angle. Plutôt celui de la rue, des manifs, de ce qui nous anime encore à prendre la rue. Et comment ça nous donne de la force. Quelles alliances on y fait. Et qu'est-ce qui nous bloque parfois, nous fait peur, comme la répression et les violences policières. Pour cela, on a proposé à plusieurs camarades qu'on se croise tout le temps dans les manifs de venir partager cette heure de discussion avec nous. Le tout sera agrémenté de découvertes musicales féministes récentes, dont des groupes que vous pourrez voir bientôt pour certains, certaines, à Santé. Alors, déjà, merci à nos invités d'être venus. Est-ce que vous avez envie de vous présenter ? Oui, je veux bien. Du coup, je vais commencer. Moi, c'est Floriane. Du coup, j'ai 29 ans. Je suis dans la lutte stéphanoise depuis 3-4 ans maintenant. Et pour la réforme actuelle, je suis plutôt active avec le syndicat dans lequel je suis, qui est Sud Éducation. Voilà. Et bonsoir. Moi, c'est Akima. J'ai 38 ans. Ça fait pareil 3-4 ans que je suis dans la lutte stéphanoise et... En général, on me connaît parce que je suis derrière la caméra ou derrière l'appareil photo. Trop bien. Du coup, tu as commencé un peu à y répondre, Floriane. Mais sur donc, le mouvement actuel, quand vous allez dans la rue en manifestation, vous allez en tant qu'individu, avec pour le syndicat, avec des camarades, dans un groupe politique ou autre ? Moi, du coup, globalement, j'y vais avec mon syndicat. Surtout pour les manifs de jour, parce qu'en fait, en tant qu'individu, je participe aussi aux luttes qu'il y a autour de l'intersyndicale et à tout ce qui se passe en dehors. Et voilà. Perso, non, je suis un électron libre. T'as pas de cortège de prédilection quand tu arrives en manif ? Absolument pas, on me voit partout et je suis nulle part en même temps. Bon, après, on va pas se mentir, y a quand même des cortèges qu'on préfère. Ouais, de ouf. Comme lesquels ? Bah, ça commence par un C, ça finit par un T. Et ça entre triche. Les deux, il y a un petit N. Et il y a solidaire. Oui, solidaire, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous anime quand vous allez dans la rue Est-ce que vous... En fait, il y a plein de questions en même temps et je me perds dans mes notes, mais c'est pas très grave. Du coup, oui, qu'est-ce qui vous anime en allant dans la rue ? Est-ce que quand vous manifestez, en ce moment-là, c'est juste contre la loi retraite ou c'est beaucoup plus large ? Et est-ce que cette vision-là, elle a comme bougé au cours du mouvement ? C'est sûr qu'au début, moi, j'y étais pour la réforme des retraites, mais avec tout ce qui se passe dans la rue, les violences policières... Aussi le fait que le gouvernement ne nous entend pas, il y a le fait de on est là, on existe, on fait du bruit. Et je trouve que c'est super important. Après, il y a évidemment la lutte féministe qui est toujours là parce que c'est encore une réforme qui va nous coûter cher à nous, les femmes. Et du coup, oui, je suis là pour la réforme des retraites. Et en ce moment, mon temps, il est vachement pris par ça. Mais la réforme des retraites, dans tous les cas, elle intègre beaucoup d'autres combats qu'on mène au quotidien, quoi. Moi, je dirais que je suis là par solidarité, même si ce n'est pas ma priorité, la réforme des retraites. Parce que je me bats plus pour les précaires, pour toutes les personnes qui n'osent pas venir ou qui ont peur de ce qui se passe. Et moi, j'essaie d'être le relais par mes images ou par les vidéos que je fais, d'essayer de transmettre ce qui se passe et de ne pas filtrer comme certains médias. Et moi, j'ai envie de vous poser aussi la question à vous, Kema, de comme un ouragan. Qu'est-ce qui vous anime à aller dans la rue en ce moment ? Ouf. Moi, je pense que c'est la force collective, l'énergie qu'apportent les manifs. Je crois que pour moi, la réforme des retraites, c'est un peu une excuse d'un mouvement social et que ça me parle de participer à ce mouvement social. Mais la retraite, pour le coup, moi, j'y crois pas. Enfin, comme à titre personnel, ça me paraît très, très loin parce que je suis au RSA, que les tafs que je fais sont pas déclarés. Et que du coup, et puis qu'en fait, ne pourrait pas l'être. Et je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de porter un peu à des moments, mais je me sens un peu seul dans ces manifs. Je pense, de temps en temps, j'essaye d'aller un peu dans les manifs en tant que pute, et que pour le coup, je me sens quand même vraiment très très seul, et que je trouve que la réforme des retraites, elle va jamais nous toucher, parce que de fait, on peut pas être vraiment déclaré de manière correcte, on n'a pas de droit. Du coup, pourquoi on aurait droit à la retraite si on n'a pas d'autres droits? Et du coup, je crois que je porte un peu ça, et puis un peu le truc d'être entre personnes qui galèrent aussi dans la vie et d'essayer de trouver des solidarités ailleurs et sur des solidarités transpédéguines, mais que j'ai déjà un peu dans mon quotidien. Et du coup aussi essayer de faire un peu de la solidarité avec d'autres travailleuses, d'autres proles ou même des personnes qui ne travaillent pas. Parce qu'on est comme beaucoup, et pour moi c'est important aussi de revendiquer un truc de on peut clairement faire le choix de pas travailler, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'avoir une retraite quelque part, mais au final c'est le mouvement social de manière plus générale qui m'intéresse. Moi, j'ai l'impression que à chaque manif j'ai un peu des motivations différentes, quoi. Que selon la journée, j'y vais par solidarité avec les camarades dans la vie, dans la rue. D'autres fois, j'y vais parce que j'ai envie de cette grosse force collective et de sentir qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord comme moi avec ce qui se passe et qui ont la rage et qui ont envie de qui sont déterres à faire des trucs aussi pour que ça change. D'autres jours où j'y vais parce que je trouve que cette réforme, quand même, elle permet de parler pas mal du travail en général. Pareil, moi, la retraite, c'est un truc assez lointain, mais je trouve que quand même ça a été bien fait sur cette réforme de parler du travail en général, de critiquer cette grosse notion là énorme, et du coup je trouve ça chouette. Et toi? Moi je crois qu'au début du mouvement, justement, j'allais dans les manifs parce que je crois que c'est une habitude en fait d'aller dans les manifs, mais je m'y retrouvais pas trop parce que je pense que c'est pareil, la retraite c'est pas un truc qui me touche, moi. En tout cas, je sais que je finirai au minimum vieillesse. voilà. Mais je pense que, ouais, au fur et à mesure de la colère qui est montée avec un gouvernement qui n'écoute pas ce qui se passe dans la rue, en fait, ça fait que je trouve que l'énergie, elle est différente du début et que les revendications, elles sont beaucoup plus larges aujourd'hui. Et du coup, ça me motive plus à être dans la rue. Et puis en vrai, ça fait du bien que ce soit un peu le bordel quand même. Grave. Ça, on va pas se mentir, c'est clair que c'est vraiment agréable. Après, c'est vrai que y a ce truc. Enfin, moi, je l'ai toujours eu, mais d'aller dans la rue et de voir qu'il y a un collectif aussi, ça me pousse, ça me remotive aussi. Et là, on l'a beaucoup trouvé avec les grosses mobilisations qu'il y a eu. Bon, après. C'est critiquable aussi parce que ça ramène énormément de monde, mais ça a peu d'effet, les grosses manifs syndicales, etc. Mais ça a ce truc de dire, pour une fois, on est tous d'accord en majorité, et ça fait quelque chose qu'on n'a pas habituellement dans nos autres luttes, malheureusement. Ouais, moi je rajouterais bien quand même un truc, c'est que quand même je trouve que encore aujourd'hui, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, mais on parle encore peu dans ce mouvement des personnes qui n'ont pas accès au travail et donc pas à la retraite. Tu parlais des putes, travailleurs et travailleuses du sexe tout à l'heure, mais on parle peu aussi des travailleurs et travailleuses sans papier, on parle pas des gens qui travaillent en prison, et en fait c'est les personnes les plus précarisées. Du coup, je trouve que c'est toujours un manque quand même. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, parce que ça me fait juste penser à une autre question sur laquelle on allait venir, mais un peu dans ces gros mouvements sociaux, ces manifs intersyndicales, c'est qui les alliés qu'on a dans cette lutte, dans ces luttes? C'est une question assez compliquée, parce que j'ai envie de te dire, nos alliés, juste pour la réforme des retraites, je peux te dire que c'est l'intersyndicale, mais derrière... on sait que c'est pas vrai. Enfin, sur Saint-Étienne, et sans nommer d'autres syndicats. par exemple, il y a des syndicats qui savaient pas que le 8 mars, c'était une journée de grève et que c'était pas que depuis cette année. C'est-à-dire qu'il y a un certain syndicat de l'intersyndicale de Saint-Étienne qui pensait que cette année, on faisait le 8 mars pour parler du droit des femmes pour cette réforme des retraites. Du coup, j'ai envie de te dire, nos alliés, ils sont... Là, OK, pour la réforme des retraites et pour dire au gouvernement, on n'est pas d'accord, mais on sait qu'ils ne sont pas là pour les luttes qui se cachent derrière cette réforme des retraites et qui sont nécessaires, quoi. Sachant que c'était le plus petit cortège, hein, la manif du 8 mars. Ouais. Dans l'intersyndicale. Dans l'intersyndicale. Pour dire à quel point les droits des femmes comptent. Et des personnes... Minorisées, de genre. Bien ça, exactement. Mais quels sont nos alliés, je dirais. Faut chercher, parce que je ne les ai toujours pas trouvés. D'où l'électron libre et que tu es un peu seul en manif, du coup. Non, après, je crois que, en fait, on va retirer l'intersyndicale de cette idée d'allié, même si, en réalité, ça ne se passe pas bien. Mais, par exemple, pour le 8 mars, comme il y avait l'intersyndicale, il y a la CNT qui a proposé de faire une garderie pour les enfants, etc. Et en vrai... Il y a des petites touches, il y a des alliés, mais ils peuvent pas représenter un syndicat complet. Mais je dirais qu'en fait, les alliés, c'est les gens dans la rue. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on a des personnes qui ne sortaient pas habituellement et qui, par ce mouvement, vont se politiser. Et je pense que ça peut donner de jolies choses. Et du coup, les alliés, c'est sûrement les personnes qui sont arrivées dans la lutte et qui vont peut-être découvrir les autres luttes et les manifestations à venir et qu'on reverra, quoi. Exactement. Et vous avez l'impression dans la rue là de justement de discuter avec des nouvelles personnes, enfin d'arriver à faire lien pendant ces moments de manif? Oui, il y a beaucoup de nouveaux visages, nouvelles personnes, ouais, à fond. Ouais, enfin moi du coup je manifeste dans mon cortège, du coup globalement on voit pas beaucoup de nouvelles personnes, mais ne serait-ce que sur on le voit sur les blocages par exemple. Moi je sais que je suis dans un syndicat, je suis chez Sud Éducation. Pour cette réforme-là, l'éducation s'est peu mobilisée, pour être poli. et du coup, en fait, d'aller découvrir les autres secteurs en lutte, les autres syndicats, etc., ça crée forcément du lien. Et en vrai, j'ai fait deux ou trois blocages depuis le début, mais ces deux blocages, ils m'ont apporté... beaucoup plus de connaissances et de liens que 4 années de manif à Saint-Étienne, quoi. Mais là, si on regarde, par exemple, moi, je complète ce que tu dis par rapport au cortège jeune qu'il y a à chaque manif. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne voyait jamais, qui sont motivés par les manifs et qui reviennent. Donc, c'est top parce qu'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce qui se passe, la jeunesse qui reprend le relais. Et c'est un bon signe. Et selon toi, pourquoi l'éducation dans ce mouvement s'est peu mobilisée, alors que c'est quand même un secteur qui, dans beaucoup de réformes et de luttes, s'est mobilisé quand même depuis plein d'années? Je crois qu'en fait, l'éducation nationale a une réputation de grosse force de grève qui n'existe plus vraiment déjà. Y a aussi le fait que, en fait, avec le Covid, par exemple, on a prouvé qu'en fait, les écoles, elles peuvent fonctionner sans les professeurs et et sans le présentiel, en fait. Et du coup, ça a joué aussi. Après, je vous dirai ce que mes collègues me disent. On n'a pas beaucoup d'argent, etc. Mais moi, je suis à ESH et je suis dans la rue, donc je n'ai pas envie de donner cette excuse aux gens. C'est clair. Moi, ça me fait juste penser sur la question d'allier dans cette lutte, dans les manifs, à une expérience, la dernière manif que j'ai faite, je ne sais plus quand c'était, mais c'était la semaine dernière, où je me suis retrouvé, j'étais pas très très bien, un peu dans ma tête, mais habillé comme d'hab en tant que meuf trans pute qui portait un peu ça, et voir vraiment des cortèges de cégétistes qui ont lancé des paris entre eux en me voyant, et que ça fait des trucs à des moments, j'ai bien envie de faire des alliances, et que je trouve ça vraiment chouette de faire des alliances entre prol et personnes qui galèrent, et qu'en même temps, il y a des moments où ça me rappelle ce truc de... Bah oui, en fait, quand on... Enfin, c'est quand même des manifs de 6-7 pour les 6-7, et quand on est en dehors de ça, j'irais même 6-7 blancs pour, ouais, qui ont des papiers, et qui a vraiment... Ce truc un peu chelou de à la fois on est ensemble dans ce mouvement et on est nombreux, nombreuses, et ça donne la force et ça fait plaisir, et en même temps on reste quand même seul au milieu de cette masse-là. Ouais, alors moi, sur les blocages sur lesquels je suis allé, je pense à un blocage en particulier où on est arrivé à plusieurs personnes trans, et je pense le fait que ce soit un moment où ça soit plus facile de discuter, il y a moins de monde et tout, en vrai c'était hyper chouette, et il y avait beaucoup de personnes de la CGT et tout, et du coup beaucoup de mecs cis hétéros plutôt d'un certain âge, et en vrai ça n'a pas été un moment désagréable, et plutôt il y a eu des chouettes discussions et tout ça. Du coup je pense ça dépend aussi des moments ouais. Oui, bien sûr, mais j'ai aussi beaucoup entendu cette école-là. Moi, pour le coup, je suis en conval, du coup, je ne suis pas allé sur les blocages, mais j'ai eu beaucoup cette école-là, que sur les blocages, il y avait déjà beaucoup de meufs trans dans les blocages de santé, que je trouve assez incroyable, et oui, qu'il y avait ces échanges-là. Et puis, je pense que de toute façon, une manif, il y a vraiment beaucoup de monde dans ces manifs, du coup, avoir 20 mecs qui sont relous, c'est vraiment pas du tout impossible, quoi. Après, il y a aussi, on peut en parler peut-être avec Akima, du fait qu'on est dans des très grosses manifs et que du coup, il y a aussi des personnes très problématiques sur le racisme, l'islamophobie, etc. Oui. Ça a été assez compliqué, au moins sur le début des manifestations. Les 5-6 premières manifs, ouais, c'était compliqué. J'ai toujours eu au moins une réflexion islamophobe à chaque manif. Et même des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je vote Marine Le Pen. Quoi? Pardon. Donc voilà, la petite anecdote. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont on doit saisir en tant que personne et en tant que syndicat, de comment faire pour que les personnes qui ne se sentent pas à l'aise et qui sont attaquées dans ces grosses manifestations, comment on peut nous les protéger et les sécuriser? Et ça, c'est des réflexions qui sont un peu présentes dans les syndicats ou à l'intersyndical ou pas du tout? Chez Solidaires, c'est apparu sur ce mouvement parce qu'on commence à essayer de faire un cortège en tant que Solidaires, etc. Et de faire ce qu'on appelle un service d'ordre. Mais ce n'est pas un service d'ordre au sens où on fait la sécurité, mais vraiment au sens où on protège notre cortège. Et ce n'est pas contre les manifestants ou les violences, etc. C'est vraiment contre toutes les violences et tout. Enfin, ouais, contre les violences sexistes, racistes, etc., en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui s'ouvre aussi au monde syndical, parce qu'on peut parler de la CGT, etc. Je pense que sur le sexisme et tout, il y a aussi quelque chose, une page qui va s'ouvrir là, du fait que ce soit une femme qui représente la CGT et tout. Enfin, j'espère, hein. Et après, vraiment, je dis ça à la CGT, mais c'est vraiment pas le plus sexiste des syndicats, mais je pense que c'est pas mal. Ça va s'améliorer. On croise les doigts. on se fait une petite pause musicale, peut-être. D'accord. To close the door, it's hard to go away. It's hard to retire from the shore. It's hard to leave you there. Cause you know how much I care. Back my bag, my stuff on my back. I'm not strong enough to look back. And I'm Vous êtes toujours en direct dans Comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. On vient d'écouter le morceau Hard to Go Away de Basseville. Basseville, c'est un groupe de personnes qui vivent à Grenoble et en Suisse allemande et que vous pourrez voir à la Gueule Noire le 13 mai avec un groupe d'Aveyron qui s'appelle Pédale. Voilà. Et juste avant cette pause musicale, on parlait des alliés. Et puis entre-temps, là, pendant nous, on a discuté en studio de qu'est-ce que ça représente un peu d'être des personnes minorisées au sein de ces mouvements-là. Du coup, ça me donne envie d'enchaîner sur une question. Dans beaucoup de villes, il y a des cortèges féministes ou des pink blocs. Et à Saint-Thé, il n'y en a pas. Est-ce que c'est quelque chose qui manquerait ? Est-ce que plutôt on est bien sans ? Je sais pas, c'est un peu ce que vous en pensez. Moi perso, ça me dérange pas parce que je reste dans aucun cortège. C'est compliqué pour moi de prendre. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui m'ont demandé pourquoi il y avait pas de cortège comme ça à Saint-Thé, c'était problématique et tout pour se sentir safe. Peut-être pour aussi d'autres personnes qui osent pas venir justement dans la rue à cause des réflexions, savoir qu'il y a un cortège comme ça. Ça pourrait peut-être faire grossir la manif, mais voilà, il faut l'organiser et c'est compliqué. Nous, c'est un débat qu'on a eu dans le cortège solidaire parce qu'en vrai, il est globalement rempli de femmes. Et on se disait que justement, ça poussait à ce qu'il y ait des personnes qui viennent et qui se sentent en sécurité. Et j'aimerais trop qu'on fasse un vrai cortège féministe sur Saint-Étienne. Mais quand on en a parlé tout à l'heure, on se disait que c'était dans des grandes villes comme Bordeaux, Nantes, etc. Et je crois qu'en fait, les chiffres de manifestants, c'est déjà différent. Du coup, moi, je suis vraiment pour un cortège féministe sur Saint-Étienne. Mais je ne sais pas, en termes de nombre et tout, si on pourrait... Enfin, ce n'est pas grave si on n'est pas beaucoup, ce n'est pas ça. Mais pour assurer la sécurité de ce cortège, justement, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Après, mais j'aimerais trop. Il faut dire que les cortèges, c'est vraiment... Syndicat. Il n'y a pas un truc féminisme, tu vois. C'est vraiment tout est syndiqué dans le cortège. Et c'est problématique parce que bah, voilà, les femmes vont dire la CGT avant le solidaire, avant mon côté femme. Et est-ce qu'elles vont lâcher le côté syndicat pour venir dans le cortège féministe ? C'est ça la question. Et en même temps, j'ai l'impression que dans les manifs, il y a plusieurs personnes qui ne font pas partie de syndicats et qui se greffent à différents cortèges. Ouais, moi je crois que ça pourrait faire venir justement des personnes qui sont pas syndiquées, mais c'est un autre problème en fait. Sur Saint-Étienne, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les grandes villes, et je crois pas parce que Paris me semble pas, mais sur Saint-Étienne, c'est l'intersyndicale qui porte vraiment la manifestation, c'est-à-dire que y a personne devant, la manifestation débute derrière la banderole de l'intersyndicale, et c'est aussi un signe, ça donne l'impression que c'est vraiment que l'intersyndicale qui mène la lutte. Et comme il y a des grandes villes où on ne l'a pas, je pense qu'il y a une lutte autogérée dans certaines villes qui fonctionne bien grâce à ça. Alors que sur Saint-Étienne, j'ai l'impression que comme il y a l'intersyndicale, on suit ce que les syndicats font et que la lutte autour, elle est difficile à organiser. Par exemple, si on revient à la manif du 8 mars, quand on fait en parallèle avec la manif en mixité choisie, il y avait des personnes qu'on ne voyait pas en manif pour la manif de grève, parce que c'était une manif safe. C'était une manif où on savait qu'on pouvait venir... Voilà, on était en sécurité, on était... Voilà, et là, ces personnes-là, je pense que s'il y avait un cortège féministe, elles seraient peut-être aptes à venir en manif. Ça reste compliqué, ça reste vraiment compliqué à organiser. Mais je sais que pour nous, c'est des réflexions qu'on a pu avoir sur le côté cortège pas forcément féministe, mais, enfin féministe, oui, sur la branche transpédéguine. Exactement. Et dans les réflexions qu'on avait eues en début de mouvement, c'était de se dire quand même à Saint-Thé, dans beaucoup de syndicats et autres mouvements, les personnes transpédéguines sont quand même présentes et du coup, on ne voyait pas forcément l'intérêt de faire un cortège à part transpédéguine. Mais c'est des choses qu'on n'en a jamais trop rediscuté après. Peut-être que ça a bougé. Moi, je n'ai pas pris le temps personnellement de la réflexion par rapport à ça. Ben, en tout cas, moi, avant, j'habitais dans une ville à peu près de la taille de Saint-Thé où plutôt ça ne se passait pas très bien avec les syndicats. Il n'y avait pas la CNT, c'était vraiment 5 personnes et tout ça. Du coup, avec la CGT, ça se passait très mal. Et du coup, oui, on ressentait le besoin de faire des cortèges de Pink Bloc ou des cortèges féministes. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis à la CNT, eh ben, en fait, je crois que ça me fait plaisir aussi de me retrouver dans un cortège avec la CNT, les Antifa, les autonomes et tout ça. Et que qui sont des personnes, enfin, je suis pas que trans dans la vie, je suis aussi précaire, je suis aussi. Et du coup, ça fait aussi plaisir de me retrouver dans un cortège où on partage aussi d'autres choses. Mais je comprends le truc de. Peut-être qu'il y a des personnes qu'on ont besoin, quoi. Après, ça, du coup, c'est, on parle surtout des cortèges féministes, mais un Pink Bloc, du coup, ce serait encore autre chose. Ou ce serait de. Enfin, ça pourrait être le truc où, en fait. À côté des Black Blocs, il y a aussi un cortège Pink Bloc avec une mixité choisie, par exemple, dans cette action-là, quoi. Et ça, pour le coup, je trouve que ça peut être grave intéressant parce que, voilà, il y a tout un enjeu de réappropriation, d'une certaine forme de violence ou de code, en tout cas, de confrontation, etc. Et je sais pas, moi, ça, c'est un truc... je sais pas dans quelle ville ça existe, ce genre de choses, je sais pas si vous savez. Bah, moi, par exemple, là, je reviens tout juste de Paris aujourd'hui. Et du coup, j'ai pu pas mal discuter avec des camarades queer parisiens, parisiennes. Et en fait, du coup, il y a des groupes Pink Bloc depuis le début du mouvement à Paris. Du coup, entre des queer plutôt anarchistes, autonomes et tout ça. Et notamment les invertis qui sont... qui découle un peu du anciennement le NPA. Et en vrai, ça s'embrouille grave. Du coup, parce qu'en fait, ces personnes se retrouvent juste sur les questions de genre, de sexualité, de féminisme. Et sinon, je pense qu'il y a des gros différents politiques. Et du coup, ben, finalement, ça s'embrouille. Et je trouve pas que ça fait très avancer la lutte, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un intérêt, c'est quand même de visibiliser à cet endroit-là, mais je pense que ça marche bien à Paris parce qu'il y a du monde pour le faire. Ça visibilise juste que les transpédéguines galèrent aussi dans la vie et qu'on fait partie aussi de cette réforme. Ce que je ressens moins à Saint-Thé et ce qui, moi, me dérange pas personnellement fort, mais que quand même, je ressens à Saint-Thé, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui met en avant les difficultés spécifiques aux meufs 6-7 et aux personnes transpédéguines. Je suis d'accord. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de réappropriation de violence. Moi, j'ai envie de poser une petite question, comme si on était sur d'autres radios mainstream. Est-ce que vous condamnez les violences ? Les violences policières, toujours. Et celles de l'État aussi. La violence de Darmanin en particulier aussi. Et est-ce que vous êtes au courant de la répression qu'il y a eu un peu dans les manifs à Saint-Thé ? Est-ce que vous avez envie d'en parler un peu ? On peut en parler. On peut différencier déjà les manifs sauvages des manifs intersyndicales de journée. Et en tant qu'intersyndicale, on a remarqué que les violences policières s'étaient aggravées, parce que pour moi, elles ont toujours été présentes, mais y a des choses qu'on a faites, par exemple, il y a un mois, qu'on ne peut plus faire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi, on a fait un rassemblement devant la permanence de Quentin Bataillon. On était une petite centaine, d'après la CGT. J'allais dire 50. Non, mais... Et on est resté une heure et demie, on a bloqué les trams, etc., alors que c'était absolument pas prévu. Et vraiment, il n'y a pas un seul policier qui est passé, alors qu'on aurait pu rentrer dans la permanence de bataillon, tout casser. On ne l'a pas fait. On a dégradé, enfin, on n'a même pas dégradé, on a collé des stickers et tout sur sa vitrine, quoi. On a custom sa permanence. Est-ce que tu veux rappeler qui c'est Alors, Quentin Bataillon, c'est le député de la circonscription numéro 1 de Saint-Étienne. Donc, il fait partie du groupe Renaissance. Et il a annoncé qu'il voterait pour la réforme des retraites, etc. Donc voilà, on l'aime pas trop, on l'aime pas beaucoup du tout. Mais... Et du coup, on a fait ça il y a un mois, et le 28 mars, quand le cortège n'était pas encore arrivé, c'est-à-dire que nous, avec Solidaires, on arrivait à peine, il y avait des policiers qui gardaient la permanence de bataillon et qui ont attaqué l'ensemble du cortège et de la place de l'hôtel de ville pour protéger son cortège. Sa permanence. Ouais, pardon. N'importe quoi. Et du coup, ça montre bien qu'il y a une évolution dans les violences policières et que pour moi, elles sont clairement là pour nous dissuader d'être dans la rue, quoi. Surtout en particulier quand ils sont allés à la permanence de bataillon, c'était simplement pour taguer dessus. Hein. Et on voit des policiers qui ont sorti la gaz lacrymo, qui nous ont gazé, Floriane, ils l'ont gazé plein balle. Elle est sortie, on peut dire, elle était vraiment bien, bien gazée. Moi, j'ai été gazouillée un peu, voilà. Gazouillée. C'était, ça m'a chatouillé un peu la gorge et tout. Vraiment, c'était une violence qu'on n'avait pas vue parce qu'il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des gens qui faisaient des crises d'asthme, on voyait des gens par terre. C'est la première fois qu'on finissait une manif où il y avait le cortège central qui courait dans tous les sens, des peurs. C'était effrayant. Les gens ne savaient pas quoi faire parce qu'ils nous avaient nassés. Hein, c'est-à-dire que chaque sortie de rue, il y avait un bloc de policiers. Donc, il y avait un mouvement de foule vers là. Puis, on voyait les policiers qui nous gazaient. Donc, on ramenait de l'autre côté. Et en fait, c'était vraiment pour faire peur aux gens, en fait. Enfin, là, c'est les violences policières sur la manifestation, mais y a aussi sur Saint-Étienne des faits de violences individuelles qu'on connaît, et notamment une dame d'une soixantaine d'années qui s'est fait tirer par les cheveux, mise au sol, et sur laquelle un policier l'a tapé. Y a aussi des camarades de la CNT qui nous ont raconté l'histoire d'un jeune qui s'est fait taper. Par un policier et insulté, je crois, de sale PD et de sale arabe. Enfin, ça, c'est des violences... C'est un coup de matraque. Ouais. C'est les violences individuelles, mais qu'on n'oublie pas et qui représentent bien la vision qu'on a de la police et de ce que les policiers sont. Ouais. Et juste pour les auditoristes qui nous écoutent et qui ne seraient pas de santé, du coup, les manifs... Au départ, il y a eu quelques manifs sauvages le soir, et maintenant, plutôt, chaque gros moment de manif se continue en manif sauvage, et du coup, c'est là, en grosse partie, où il y a des violences et de la répression. Mmh. Alors que cette manif sauvage... En vrai, elle ne fait pas grand-chose de plus que ce qu'elle fait dans la manif intersyndicale. Enfin, je veux dire, depuis le 19 janvier, il y a une manifestation. Sur le trajet, à chaque fois, tu peux retrouver des tags qui attaquent l'État, le gouvernement, la police. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de la première manif. Exactement, sauvage, quoi. C'est ça. C'est de l'art qu'on apprécie. Du street art. Et juste peut-être, on peut faire un petit point répression aussi. Du coup, il y a eu quand même pas mal d'arrestations depuis le début du mouvement à Saint-Étienne. Plutôt, donc, ce qu'on sait, c'est que les arrestations, elles sont souvent préventives, c'est-à-dire qu'ils chopent un peu les gens qu'ils ont envie de choper dans la rue. Même, ils rentrent dans des bars pour arrêter des gens. Ça s'est fait au moins une ou deux fois depuis quelques semaines, là. Et bizarrement, les gens ressortent vite de garde à vue au bout de quelques heures, y compris quand il y a des charges contre eux. Du coup, ça, c'est assez étonnant. On n'a pas trop l'habitude de ça. Et voilà, du coup, il ne faut pas hésiter à faire des retours et à contacter le CACIS si vous vous faites arrêter, si vous avez des poursuites. On peut peut-être rappeler le numéro. Oui, le numéro du CACIS, du coup, qui est le collectif anti-REP de Saint-Étienne, c'est 06 34 42 92 36. Ouais, il faut laisser un message, on ne vous répondra pas direct. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière le téléphone tout le temps, mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un message et il y a quelqu'un qui vous rappellera. Et je crois qu'il y a, il y a ce numéro-là, mais je crois qu'il y a une page Instagram aussi, potentiellement, pour avoir des informations, oui, ou des choses, pour, voilà, suivant les outils les plus adaptés. Pour vous, n'hésitez pas. Ouais, il y a des formations aussi qui sont faites sur la garde à vue. Du coup, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les réseaux sociaux, effectivement. Et est-ce qu'on s'écouterait pas une petite musique avant de continuer l'émission? On vient gâcher la fête. On vient gâcher la fête. Il est où votre chef? On vient lui casser sa gueule. Car ce soir c'est nous le chef. On vient foutre le zbeuz. Toi tu finiras tout seul. Toi tu finiras tout seul. Car on vient gâcher ta fête. Car on vient gâcher ta fête. On t'a bien cassé la gueule. Fallait pas nous casser la tête. On t'a bien cassé la gueule. Fallait pas nous casser la tête. Fallait pas nous casser la tête. Maintenant on relance la fête. Plus personne nous touchera les fesses. Maintenant on relance la fête. Personne ne touchera les fesses. On relance la fête. Plus personne ne touchera les fesses. C'est toujours comme un ouragan en direct sur Radio Duo 89.5. On vient d'écouter le morceau Sale Ambiance d'un groupe de Bruxelles qui s'appelle Talu et que je vous conseille d'aller écouter. Il y a des super morceaux. Du coup, on continue cette émission sur le mouvement social en cours. Avec une petite question, on va un tout petit peu changer de lutte au sein du même mouvement social. Mais il y a eu une manif contre la loi Darmanin où il y avait beaucoup moins de monde que pour les retraites. On parle un petit peu de tout ça ici. Ouais, juste pour au cas où il y a des personnes qui ne sauraient pas ce qu'est la loi Darmanin, c'est la loi qui contre, enfin avec toutes les réformes sur l'immigration, qui ne va plus être une loi, mais plusieurs petites lois qui vont passer comme ça dans les mois à venir. Un peu comme la loi sécurité globale, exactement. Ouais, c'était un peu déprimant le rassemblement contre la loi Darmanin après juste. Avoir eu un flot de manifestants, s'est dit « Ouais, il va y avoir plein de monde, place Jean Jaurès. » Et là, on arrive, ouais. Déception. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on voit sur toutes les luttes, autres que la réforme des retraites, c'est qu'en fait, elle aspire absolument toutes nos motivations, enfin, toutes nos forces. et que du coup on parle que de ça. Moi, le rassemblement pour contre la loi Darmanin, j'en ai entendu parler, mais j'ai vu très peu de posts dessus, sur où c'était, etc. Donc je crois qu'il y a de ça aussi. Après, c'est horrible, mais bah, la réforme des retraites, elle mobilise parce que les gens, ils sont concernés directement. Et bah, c'est horrible, mais globalement, les gens sont égoïstes. Alors, on peut revenir aussi sur le fait qu'il y en a plein qui ont voté Marine Le Pen et que la loi Darmanin ne les dérange pas. Et bonne soirée à vous. Donc, ouais. Et que ça revient un peu aussi à questionner les alliés dans la lutte des retraites, à quel endroit aussi, dès qu'on sort des retraites, qui est-ce qui est présent, présente ou pas. Ouais, bah, ça fait un peu écho aussi à la marche féministe du 8 mars, où on voit que le cortège diminue, et qu'il y a moins en moins de monde. Et par exemple, dans ton syndicat, vous en parlez un peu de cette loi Darmanin, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a envie de prendre position ou pas ? Ah oh, bah oui, on a pris position, on est contre, on a relayé l'information sur ce qu'il y avait sur Saint-Étienne et au niveau national, on agit. Mais bah, solidaire, en règle générale, c'est pas le syndicat majoritaire en France, quoi. Du coup, bah oui, on peut le dire, on peut en parler, mais... ça touche que les personnes qui sont déjà militantes et engagées, parce que quand tu te syndiques chez Solidaire, c'est que tu as des convictions qui sont autres que juste le droit des travailleurs, en fait. Du coup, j'ai envie de dire, oui, on en parle, mais je ne sais pas si ça fait écho à des personnes qui ne seraient pas concernées, qui ne connaissent pas déjà le sujet, quoi. Ça fait écho aussi un peu, bon, je parle en tant que militante BDS, on fait partie aussi du collectif BDS qui boycotte des investissements sanctions, qui milite pour le droit des Palestiniens. Et en cette période de Ramadan, il se passe des choses atroces en Palestine. Et ça, on n'en parle pas. De samedi, il y aura un rassemblement place Jean Jaurès à 14h. Pour parler justement de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Mais pareil, on est un peu pessimiste parce que voilà, on sait que c'est des trucs qui ne parlent pas aux gens, que voilà, ça sort des codes. Et en plus, c'est ce qui se passe en Palestine. Il ne faut pas oublier, c'est un peu ce qui se passe aussi en France. Les répressions, l'extrême droite, tout ça, ça s'est calé. C'est à peu près la même directive. Mmh. Donc quand la convergence des luttes, c'est de se battre pour tout le monde. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Ouais, et puis c'est sûr que pour revenir à ce truc des alliés dans les manifs contre la réforme des retraites, en fait, dans la plupart des syndicats, il y a des sections flics, matons, du coup, police aux frontières et compagnie. Du coup, c'est sûr que ces syndicats, en ayant des sections, ouais, vont pas prendre position sur autre chose que le droit au travail, quoi. Mmh. Ah bah c'est sûr que sur les violences policières, il y a des syndicats qui sont pas... UNSA. Ok, on va faire comme à la télé, on va donner quand même plusieurs marques. UNSA, FO, CFDT et la CFE-CFG. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que on a un engagement... Enfin, il y a aussi ce truc qui est difficile dans le fait qu'on ait des alliés ou pas, c'est que il y a des syndicats qui sont du coup contre les violences policières et qui refusent par ce fait d'avoir des syndiqués policiers et des syndicats de police, et qu'à côté il y a des syndicats de police qui sont par exemple, je crois que Force ouvrière c'est le syndicat majoritaire chez les policiers, du coup c'est délicat de lutter avec eux et de faire entendre les violences policières et le fait que c'est des ennemis de nos luttes, quoi. Ben, moi, je trouve aussi que c'est important, effectivement, de dénoncer aussi le fait de... Non, mais les syndicats de policiers et de matons, mais je trouve qu'en fait, c'est aussi tout ce qu'on a dit, il n'y a pas que ça, en fait. C'est aussi que comme... si la lutte des travailleurs allait penser la lutte des travailleurs des hommes blancs, et bah du coup c'est quoi cette lutte contre le capitalisme, quoi. Enfin, c'est la lutte contre le capitalisme à marche avec la lutte contre l'antiracisme la lutte féministe. Mmh. Et enfin, je veux dire, c'est important de dénoncer ça, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier aussi que les ennemis, ils peuvent être tout. Enfin, en tout cas, les gens, ça peut être plus près, quoi. Oui, non, c'est sûr. Moi, ça me donne envie d'embrayer sur une question un peu d'enfant, mais que j'aime bien. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner? Et puis, c'est quoi pour vous gagner? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de se dire qu'on va gagner pour continuer de manifester et continuer de lutter? Moi, je suis vraiment là-dessus. J'ai jamais le même avis. On peut me poser la question demain à 9h, je dirais autre chose. Hein. Mais je crois que... C'est compliqué de dire ce qu'on appelle gagner, mais pour moi, cette mobilisation, elle est super importante aux yeux de l'opinion publique. C'est-à-dire que si, avec les grosses mobilisations qu'on a eues là, la réforme des retraites, elle passe quand même, je suis pas sûre que sur des prochains gros mouvements, sur les lois travail, etc., qui vont arriver, on arrive à mobiliser autant de personnes. Parce qu'il y a déjà... Enfin, on l'entend beaucoup déjà, mais de toute façon, ça sert à quoi de faire grève? Ça passe quand même, etc. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ce serait bien d'avoir un message optimiste à la fin de cette lutte. Et en même temps, le message, il existe déjà. En vrai, ce qui se passe là, ça c'est pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vu depuis que je suis en lutte et depuis que je m'intéresse à tout ce qui est politique, etc. Et c'est bien, c'est positif. Les jeunes, on voit qu'ils se mobilisent et de plus en plus, on voit que c'est partout. Enfin. On en discutait il y a deux jours au carnaval de l'inutile parce que j'étais dans un moment très défaitiste et je discutais avec des collègues à moi qui sont habituellement très pessimistes qui me disent mais t'es folle, ce qui se passe en ce moment c'est incroyable, il y a une lutte qui s'arrête, il y en a une qui commence ailleurs, enfin à Saint-Etienne par exemple il y a Enedis qui a arrêté son piquet de grève, il y en a un qui a apparu au CTM, etc. Et c'est vrai que même si on a l'impression que ça affaiblit, etc., sur les grosses mobilisations, j'ai l'impression que sur les blocages, ça arrive un peu partout, ça s'arrête, ça revient, etc. Et je pense que, de toute façon, ce qui se passe en ce moment, c'est une politisation des gens, et que ça nous servira plus tard. Ça, c'était très optimiste. Bon, moi, je vais faire la pessimiste, alors. moi, j'ai jamais vu un gouvernement en démocratie qui est aussi... comment dire ça poliment? Je sais pas. T'es pas obligé de polir. Ouais, aussi tordu. On va dire ça poliment. Aussi tordu, enfin, qui utilise les lois de la démocratie contre son peuple, en fait. Qu'on n'écoute pas le peuple. On a beau être massif, on a beau faire. Et en fait, on nous rit au nez. On n'a qu'à voir juste le sourire de Madame Borne quand on parle des précaires, ou quand on parle des femmes, ou quand on parle de gens. Elle a un sourire qui donne envie de... je sais pas. Brûler des poubelles. Des poubelles, ouais. Taguer des murs. On va. Mais, Darmanin, on n'en parle pas, mais Darmanin. Juste dire son prénom, ça m'énerve. Son nom, pardon. On n'en parle même pas de son prénom. C'est horrible. Et quand on voit Macron par-dessus, alors avec, je sais pas, récemment, il y a une pancarte qui est sortie avec écrit « Président antidémocratique et violent ». Et il est dans le déni complet, en mode « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, peut-être !» Non, mais en fait, je sais pas s'ils sont dans le monde réel, parce qu'on vit pas dans le même monde qu'eux. Hein. Quand on entend un président qui nous traite de smicards, qui nous traite de rien du tout. Il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui ne sont rien. Voilà, le respect qu'on a de cette présidence. Voilà, j'ai peur. Je ne veux pas vous mentir, j'ai peur. J'ai peur que ça bascule dans je ne sais pas quoi, parce que il va avoir un petit moment de lucidité, il va avoir la raison qui revient, soit ça va basculer dans un truc encore plus violent, soit les gens, ça va être invivable pour les gens. Ça va être invivable pour les précaires, ça va être invivable. Mais je sais pas, j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait Macron, en fait, c'est un robot. Et c'est-à-dire que les présidents d'avant, on arrive à connaître leur centre d'intérêt, des choses qu'ils apprécient, et ça les rendait un peu humains. Et c'est vrai que quand je me demande ce que Macron aime, bah, j'en sais rien. Et ça donne juste l'impression que c'est vraiment le robot qui est au service... du capitalisme, des patrons, des riches, etc. Et qu'il n'y a rien derrière. Et c'est vrai que ça fait assez peur. Et ce serait quoi, là, le contraire de la défaite? Enfin, ce serait quoi le truc qui, au bout de cette lutte sociale, serait le mieux qu'on puisse obtenir, quoi, pour vous? Que ça soit en termes de revendication ou en termes de... Démission de Macron. Ouais, par exemple. Ouais, bof. Ouais, on peut se dire la démission de Macron, un nouveau gouvernement, etc. Après... Le problème, c'est la suite. Une nouvelle république. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup qui se disent que si Macron part, ça risque beaucoup d'être l'extrême droite. Et parce que les idées d'extrême droite, il y a quelques années, elles n'étaient pas relayées, mais là, elles sont relayées en masse. En masse. Et quand on entend Darmanin nous traiter de terroristes intellectuels, et que c'est repris, c'est relayé, il n'y a personne qui dit rien du tout, que même en face des sénateurs, même en face des députés, ils s'en foutent complètement. Ben, on ne sait pas c'est quoi qui va les arrêter, en fait. C'est quoi qui va les arrêter? Ouais, j'ai dit que j'étais ma pessimiste aujourd'hui. Hein. Est-ce que ce n'est pas la révolution qui va les arrêter? Une solution, révolution. On va faire nos slogans de manif. Et ben, parlant de slogans, est-ce que pour arriver sur une petite touche un peu plus joyeuse sur cette fin d'émission, vous auriez envie de nous partager un peu vos slogans préférés? Attention, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Alors attention, je me prépare pour les micros. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Partage du travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Ça va péter. Vraiment, je crois que je suis née pour vivre ce moment. Ah ouais, ça serait beau. Hein. Ou sinon, il y a Éperdrio. C'est dégueulasse. Éperdrio, c'est dégueulasse. Éperdrio, c'est dégueulasse. Éperdrio, c'est dégueulasse. Mais pareil pour les auditeuristes qui nous écouteraient pas de Saint-Étienne. Éperdrio, c'est le maire de Saint-Étienne qui vient d'être mis en examen pour ce scandale de la sextape qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant. Mais qui est toujours maire de la ville. Avec des propos homophobes et du chantage. Ouais. Et vous, vous auriez des petits slogans, des manifs de ce mouvement-là? On sent que toi, tu brûles de dire ton slogan préféré. J'ai pas réfléchi encore, attendez. Alors, moi, je suis très étonné que dans des manifs syndicales, dans des grosses journées de mobilisation à Saint-Étienne en ce moment, on entende « Macron, Macron, t'encule pas, la sodomie, c'est entre amis ». C'est la première fois que j'entends ça dans des manifs autres que TPG et féministes. Du coup, je suis assez content de ça. Et c'est vrai que c'est un truc que je trouve chouette à Saint-Étienne quand même. On parlait tout à l'heure du cortège TPG inexistant. C'est que quand même, on a suffisamment de TPG... un peu de partout pour que, dans les cortèges pour que nos slogans reprennent assez bien. Comme moi, j'aime beaucoup le slogan des retraites pour nos sugar daddy, pour payer nos sacs Gucci, qui ont été repris par le Black Bloc à un moment. Trop bien. D'autres slogans? On en avait créé avec Floriane, en hommage au Green. Oh non. On finit l'émission sur un hommage au Green. Le foot est politique, on vous le rappelle. Exactement. Et en particulier à Saint-Étienne. Il faut qu'on le fasse. Oui, il faut qu'on le fasse. C'est quoi le début? Ça commence super bien. Mais vas-y, tu recherches. Contre toi, Macron. Je n'ai jamais cessé de manifester, malgré la répression, avec mon syndicat, on sera toujours là, et on se battra contre toi, Macron. Voilà. Yeah. Il est incroyable. Ouais, trop bien. Mais sinon, pour revenir sur le fait que la lutte des retraites, elle est un peu féministe, il y a la musique pour l'honneur des travailleurs et tout. Et ben à Saint-Étienne, nous on l'a fait en disant pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà. Et je trouve ça beau. Carrément. On se rappelle les rendez-vous de la semaine, du coup ? Parce que du coup, il y a la manif jeudi. 10h30, Château Creux. Et manif en soutien à la Palestine, à l'appel de BDS, à Jean Jaurès. C'est samedi 14h à Jean Jaurès. Et il y a aussi un rassemblement vendredi soir. C'est pas sûr, mais selon le Conseil d'État, ce qu'aura choisi le Conseil d'État. Si la manif est validée, il y aura une manif vendredi soir. Ok. Ouais. Départ où ? On ne sait pas encore. Hôtel de Gévelou, ouais, Peuple, on imagine. Ouais. D'autres choses à annoncer ou... Je crois qu'il y a une soirée de soutien vendredi au Bouli. Ah oui, c'est ça. De quelque part. Dans un lieu. Et voilà, et je crois que sur numéro 0, là, il y a plein d'événements. Vous pouvez aller regarder donc, sur le site d'information militante et de mémoire de Saint-Étienne qui s'appelle numéro 0. Et il y a plusieurs événements dans le calendrier de cette semaine. Et sinon, si vous voulez participer à peut-être un blocage ou quelque chose, il y a vendredi à 10h au départ du stade Geoffroy Guichard. Il y a quelque chose qui se prépare avec la CGT, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont besoin de monde. Et vraiment, les blocages, c'est trois fois mieux que les manifestations. Ouais. Tous au blocage, et révolution aussi pour les gens qui ont des thunes, hein, on rappelle qu'il y a plein de caisses de grève et qu'il ne faut pas hésiter à donner aux caisses de grève. Et parlant de thunes, pour récupérer de la thune, il y a aussi la tablée dimanche, il me semble, en soutien à la famille d'une personne qui est décédée en prison. Pour les proches de Romain qui est décédé en prison il y a quelques temps. Et du coup, c'est pour un peu soutenir ses proches qui, notamment, ont porté plainte contre l'administration pénitentiaire. Du coup, c'est dimanche à la tablée, en bas des marches du Crédroc, à midi. Et c'est prix libre et vegan, il me semble. Végé-vegan, ouais. Végé-vegan, et c'est toujours super bon. Et demain, il y a aussi la cantine à la Cale, donc au Crédroc. Cantine à prix libre. Venez manger, ça sera bon. Je ne sais pas ce qui est cuisiné, mais... C'est tout le temps très bon. C'est tout le temps très bon aussi. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. C'était trop bien, merci. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Comme un ouragan. Et on se quitte avec un petit morceau de musique. Ouais, qui s'appelle Éther de Rupture. Non, de... Je me suis trompée. C'est bien Éther, mais le groupe, c'est Thunder Panny. Ok, et ben on s'écoute ça, et à dans 15 jours, et à très vite dans la Révolution. Dans 15 jours, bonne soirée. Thank you. sur les louves savent, elles ont décelé les structures, elles ont dévoilé les